Et si l'on apprenait des mots se terminant par « ancien » ? La plupart des mots se terminant par « a-n-c-e » en français deviennent « ancien » « a-n-c-i-a » en espagnol. Donc, en utilisant cette transformation, comment diriez-vous « importance » en espagnol ? C'est bien sûr « importancia ». Vous pouvez le redire, s'il vous plaît ? Importancia. Importancia. Comment diriez-vous « élégance » ? Bravo ! Elegancia. Donc, si le mot pour « croire » est « creer », C-R-E-E-R, comment diriez-vous « je crois que l'élégance est importante » ? Creo que la elegancia es importante. Creo que la elegancia es importante. Donc, après « creo que », on a utilisé « es ». Toutefois, après « no creo que », « je ne crois pas que », on procède comme en français. On utilise le subjonctif. On dira donc « no creo que la elegancia sea importante ». Je ne crois pas que l'élégance soit importante. Il n'y a pas vraiment d'explication à ces phénomènes. Comme vous le savez déjà, les langues ne fonctionnent pas toujours de façon rationnelle. Dans tous les cas, ce que nous montre cet exemple, c'est que « ser » est décidément très irrégulier. Au subjonctif « es » devient « sea ». Comme on l'a vu auparavant, lorsqu'un mot français se termine par « ant » ou « ent », essayez d'ajouter seulement un « e » à la fin pour obtenir son équivalent en espagnol, son « equivalente » espagnol. D'accord ? On a déjà utilisé « tolerante ». Comment diriez-vous donc « intolérant » ? Bravo ! Intolerante. Allez, redis-le encore une fois. Intolerante. Intolerante. Je voulais juste revoir cela avant de continuer. Si mientras que M-I-E-N-T-R-A-S plus loin Q-U-E signifie tandis que, comment diriez-vous mon frère est très tolérant tandis que ma sœur est très intolérante. Mi hermano es muy tolerante, mientras que mi hermana es muy intolerante. Vous avez bien dit ça? Mi hermano es muy tolerante, mientras que mi hermana es muy intolerante. Notez que, pour les mots se terminant par ante et ente, il n'y a pas de féminin ou de masculin. Il faut juste se soucier du singulier ou du pluriel. On dira donc toujours « tolerante » qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Revenons à un exemple se terminant par « ancien ». Comment diriez-vous « je ne supporte pas l'intolérance » ? « No soporto la intolerancia ».« No soporto la intolerancia ». Dites maintenant « la distance » n'est pas un problème. Très bien. La distancia no es un problema. Pouvez-vous le redire? La distancia no es un problema. La distancia no es un problema. Avez-vous dit un problema? Si vous vous êtes trompé, ne vous inquiétez pas. Votre interlocuteur vous comprendra quand même. Et, petit à petit, vous ferez tous ces changements automatiquement.